Bonjour chers amis et bienvenue à French Pod. Salut tout le monde, on a une nouvelle leçon avancée pour vous. Moi c'est Amaury. Et moi c'est Christella. Et aujourd'hui, le thème de la leçon c'est la vente aux enchères. Donc nous allons nous plonger dans le milieu de l'art. Et assister à la vente d'une pièce en bois. Donc c'est intéressant ici, c'est que nous avons une atmosphère un peu particulière. Très particulière, une atmosphère très intense. J'aime beaucoup cette ambiance, il y a quelque chose de grisant là-dedans. Puis c'est excitant en fait, il y a beaucoup d'émotions. Alors on est en présence ici d'un commissaire priseur, puisque c'est un commissaire priseur qui s'occupe des ventes aux enchères. Ouais. Et comme vous allez le remarquer dans le dialogue qu'on va écouter tout de suite, il a un débit de parole assez rapide et c'est justement ça qui ajoute de l'intensité lors d'une vente aux enchères. Alors on va retrouver la salle qui est attentive. On attend de voir la pièce qui va être présentée et mise en vente. On écoute le dialogue maintenant. Voici une pièce tout à fait unique, un meuble de style Louis XVI datant de 1770. Cette magnifique commode a d'abord appartenu au comte de Paris avant d'être cédée à la famille Baker de Hambourg. Elle a ensuite été offerte à la fin du siècle dernier à la duchesse de Windsor à titre de présent pour son second mariage. Ce n'est qu'en 1990 qu'elle revint sur le territoire national lorsqu'elle fut rachetée par feu Monsieur Louis Salan, propriétaire de son vivant de la célèbre maison d'édition homonyme. Remarquez la finesse des motifs incrustés dans les tiroirs ainsi que la finition des quatre pieds. Cette superbe pièce en chêne, œuvre de l'ébéniste Jabob, a pour prix de départ 20 000 euros. Qui dit mieux? Je vois 25 000 euros ici au premier rang. Attention, 30 000 à ma droite. J'ai entendu 35 000, 40 000 pour ce monsieur moustachu dans le fond. Nous avons ici une pièce d'exception qui a traversé plus de deux siècles d'histoire. Allons, oui madame, 45 000. Comme je l'ai dit, nous sommes en présence d'une pièce unique. Voilà 50 000 pour la demoiselle avec l'ensemble mauve. Qui dit mieux? Alors 50 000 une fois, 50 000 deux fois. Oui, madame, nous avons 55 000 à présent. 55 000 une fois, 55 000 deux fois, 55 000 trois fois. Adjugé, vendu. La commande est adjugée à madame au troisième rang avec le chapeau haut de forme. Qui ça? Moi? Mais non, je me grattais l'oreille. La pauvre femme. Eh oui, elle se rendait compte de rien. Elle se grattait l'oreille, elle n'était pas attentive et voilà, bam. T'imagines quand même 55 000 euros? Aïe, aïe, aïe. Faut les sortir, hein. Ça fait mal au porte-monnaie, hein. Peut-être qu'elle va remettre la commode aux enchères dans peu de temps. Sur eBay, tu sais. Pourquoi pas sur eBay. Donc voyons un peu comment on en est arrivé là. Alors on a le commissaire priseur qui raconte l'histoire de cette pièce unique, de ce meuble d'exception. Ouais, ce qui est normal, donc il y a une présentation de la pièce. Il dit donc que cette commode de style Louis XVI a été cédée à la famille Baker de Hambourg. Donc elle a été donnée à la famille Baker de Hambourg. Et un peu plus tard, elle fut rachetée par feu Monsieur Louis Salan. Alors feu, vous pouvez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qui fait là le feu? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement un adjectif qu'on met devant le nom d'une personne pour préciser que cette personne n'est plus en vie. Et donc, un peu plus loin, on retrouve l'expression « de son vivant » qui veut dire « elle » lorsqu'il était en vie. Exactement, et lorsqu'il était en vie, feu Monsieur Salan était propriétaire de la célèbre maison d'édition homonyme, c'est-à-dire du même nom. Donc il avait une entreprise qui était une maison d'édition qui s'appelait Louis Salan. Tout simplement. Alors moi je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici, parce qu'on retrouve différents noms dans la présentation de la commode. Donc les Baker de Hambourg, Windsor, Louis Salan. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un se reconnaît, mais en fait tous ces noms sont fictifs. Hein. Il n'y a personne. C'était choisi vraiment au hasard. Ouais. Voilà. Mais bon, si quelqu'un se reconnaît, il peut toujours nous laisser un commentaire sur le site internet. Tout à fait. Frenchpod.com. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, on a une bonne présentation de la commode, qui se termine d'ailleurs. Par une petite précision, cette commode est l'œuvre de l'ébéniste Jabob. Un ébéniste est un artisan qui travaille les bois de qualité pour en faire des meubles. Donc, c'est une très belle profession. C'est pour ça qu'on peut l'appeler un artisan, parce qu'il fait vraiment un travail fin, méticuleux. Méticuleux. Et donc, c'est une profession très respectée en France. Ébéniste. Et ici, cette commode est en chêne, incrustée de motifs, style Louis XVI. Les arguments sont vraiment très nombreux pour convaincre les acheteurs d'enchérir. Alors, enchérir justement, pourquoi on parle de vente aux enchères? Ça vient justement de ce verbe enchérir qui signifie faire augmenter, faire monter le prix d'un produit. Donc une enchère, c'est l'acte de proposer un prix plus élevé que le prix proposé. Et donc c'est comme ça que se fait la vente aux enchères, puisque les acheteurs potentiels du produit font des enchères. D'accord. Et bon, comme vous le savez tous, dans une enchère, le bien est accordé à celui qui propose le plus d'argent pour l'obtenir. Que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Comme c'est un peu le cas ici. Beaucoup de candidats à l'acquisition de cette commode ont proposé des prix, ont enchéri, Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La commode a été adjugée à une femme qui ne voulait pas vraiment acheter cette commode. Donc elle a été décernée, elle a été donnée à cette dame. Oui, alors là, c'est vraiment l'expression qu'on retrouve à chaque fois dans les ventes aux enchères. À la fin... adjugé, vendu. Oui, et on doit taper une fois, deux fois, trois fois. Et le coup de marteau. Et alors, cette femme a une petite caractéristique, c'est qu'elle porte un chapeau haut de forme. Donc un chapeau haut de forme, comme son nom l'indique, c'est un chapeau de forme haute et cylindrique. On a commencé à le porter au 19e siècle, et à cette époque, il était porté par des hommes. Mais bon, maintenant, évidemment, surtout dans le milieu de l'art... On est en 2008. Oui, on retrouve des personnes assez extravagantes, qui porte des tenues excentriques. Donc on peut très bien voir une femme porter un chapeau de forme. Il n'y a rien de choquant à cela, exactement. Eh bien, si on réécoutait cette dame se faire attribuer un bien de manière involontaire. C'est parti, on réécoute le dialogue. Voici une pièce tout à fait unique, un meuble de style Louis XVI datant de 1770. Cette magnifique commode a d'abord appartenu au comte de Paris avant d'être cédée à la famille Baker de Hambourg. Elle a ensuite été offerte, à la fin du siècle dernier, à la duchesse de Windsor, à titre de présent pour son second mariage. Ce n'est qu'en 1990 qu'elle revint sur le territoire national, lorsqu'elle fut rachetée par feu Monsieur Louis Salan, propriétaire de son vivant de la célèbre maison d'édition homonyme. Remarquez la finesse des motifs incrustés dans les tiroirs ainsi que la finition des quatre pieds. Cette superbe pièce en chaîne, œuvre de l'ébéniste Jabob, a pour prix de départ 20 000 euros. Qui dit mieux? Je vois 25 000 euros ici au premier rang. Attention, 30 000 à ma droite. J'ai entendu 35 000, 40 000 pour ce monsieur moustachu dans le fond. Nous avons ici une pièce d'exception qui a traversé plus de deux siècles d'histoire. Allons, allons, oui madame, 45 000. Comme je l'ai dit, nous sommes en présence d'une pièce unique. Voilà 50 000 pour la demoiselle avec l'ensemble mauve. Qui dit mieux? Alors 50 000 une fois, 50 000 deux fois. Oui, oui madame, nous avons 55 000 à présent. 55 000 une fois, 55 000 deux fois, 55 000 trois fois. Adjugé, vendu. La commande est adjugée à madame au troisième rang avec le chapeau haute forme. Qui ça? Moi? Mais non, je me grattais l'oreille! Donc nous voici de retour. En tout cas, quelque chose que j'ai appris ici, c'est que dans une vente aux enchères, il faut faire attention au moindre de ses mouvements. Exactement. Ne levez pas les mains par inadvertance, ne vous grattez pas l'oreille ou les cheveux. Faites attention. Le moindre petit geste peut être fatal et vous vous retrouvez avec une commode, peut-être un autre objet, que vous ne désirez pas forcément. Enfin. Ça, et puis il faut voir que les autres acheteurs potentiels risquent d'être très jaloux. Aussi, ouais. Parce qu'eux aussi, ils voulaient la commode. Faut penser à eux. Alors on peut imaginer. Imaginez que cette scène ici se déroulerait en France à l'hôtel Drouot à Paris. L'hôtel Drouot qui se trouve dans le 9e arrondissement de Paris et où beaucoup de ventes aux enchères ont lieu, des ventes aux enchères de pièces d'art, également de tapisseries, de meubles. Donc cet hôtel est l'endroit le plus célèbre en France de ventes aux enchères. Exactement, il a été créé en 1852. Et cet endroit est comparable en fait à Christie's ou Sotheby's dans les pays anglo-saxons. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Moi non plus, j'ai jamais eu l'occasion d'assister à une vente aux enchères. Pourtant j'adorais. Franchement, toute cette ambiance, à gauche, à droite, au premier rang, derrière. Derrière, 50 000, 250 000, 300 millions. Mais je sais pas si ce serait une bonne chose que j'y aille, parce que je pourrais pas m'empêcher de lever ma main. De lever la main, juste pour voir ce qui va se passer. Et avoir un petit stress après en espérant que quelqu'un lève la main. Quelqu'un d'autre propose un prix supérieur. Non mais en voyant vraiment les pièces qui s'y vendent en fait, d'avoir une telle tension. Les ventes aux enchères ne portent pas seulement sur des objets d'art ou d'artisanat. Il peut y avoir des ventes aux enchères immobilières ou des ventes aux enchères de voitures. Ah, tout à fait. Ça, j'ai déjà assisté. Ah oui? Et c'était assez intéressant. Bon, ça se déroulait pas exactement comme ici, mais il y avait une certaine compétition aussi entre les personnes qui enchérissaient et réenchérissaient. Et alors, est-ce que tu as acheté une voiture, Amoury? Parce que moi, je l'ai jamais vue, ta voiture. C'était pour une amie, en fait. Qui ouais, voulait radin, tu veux juste pas que je t'emprunte ta voiture, c'est tout. Mais je te promets, Christella, si j'avais acheté cette voiture, je te la prêterais. Bon, je veux bien te croire. Donc si vous, auditeurs de FrenchPod, avez déjà assisté à une vente aux enchères ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà assisté à une vente aux enchères, n'hésitez pas à vous connecter sur le site frenchpod.com et à nous laisser vos commentaires. FrenchPod, c'est toute une communauté de personnes. Et en attendant vos commentaires, vos histoires, vos expériences, on vous dit à bientôt pour une prochaine leçon avancée. Au revoir tout le monde. Salut.